Les affinités électives. Les enfants l'adoraient, lui ne les aimait point. Sa pensée était ailleurs. Tout ce que ces marmots pouvaient faire ne l'impatientait jamais. Froid, juste, impassible et cependant aimé, parce que son arrivée avait en quelque sorte chassé l'ennui de la maison, il fut un bon précepteur. Pour lui, il n'éprouvait que haine et horreur pour la haute société où il était admis, à la vérité au bas bout de la table, ce qui explique peut-être la haine et l'horreur. Il y eut certains dîners d'apparat où il put à peine contenir sa haine pour tout ce qui l'environnait. « Ah, monstre, monstre! Et moi aussi, je suis une sorte d'enfant trouvé, haï de mon père, de mes frères, de toute ma famille. » Quelques jours avant la Saint-Louis, Julien se promenait seul et disait son bréviaire dans un petit bois qu'on appelait le Belvédère et qui domine le cours de la Fidélité, avait cherché en vain à éviter ses deux frères qu'il voyait venir de loin par un sentier solitaire. La jalousie de ses ouvriers grossiers avait été tellement provoquée par le bel habit noir, par le mépris sincère qu'il avait pour eux, qu'il l'avait battu au point de le laisser évanoui et tout sanglant. Madame de Rênal, se promenant avec M. Valneau et le sous-préfet, arriva par hasard dans le petit bois. Elle vit Julien étendu sur la terre et le crut mort. Son saisissement fut tel qu'il donna de la jalousie à M. Valneau. Il prenait l'alarme trop tôt. Julien trouvait Madame de Rênal fort belle, mais il la haïssait à cause de sa beauté. Il lui parlait le moins possible, afin de faire oublier le transport qui, le premier jour, l'avait porté à lui baiser la main. Élisa, la femme de chambre de Madame de Rênal, n'avait pas manqué de devenir amoureuse du jeune précepteur. Elle en parlait souvent à sa maîtresse. L'amour de Mademoiselle Élisa avait valu à Julien la haine d'un des valets. La haine de M. Valneau redoubla aussi. Il dit publiquement que tant de coquetterie ne convenait pas à un jeune abbé. À la soutane près, c'était le costume que portait Julien. Madame de Rênal remarqua qu'il parlait plus souvent que de coutume à Mademoiselle Élisa. Elle apprit que ses entretiens étaient causés par la pénurie de la très petite garde-robe de Julien. Il avait si peu de linge qu'il était obligé de le faire laver fort souvent hors de la maison, et c'était pour ses petits soins qu'Élisa lui était utile. Cette extrême pauvreté, qu'elle ne soupçonna pas, toucha Madame de Rênal. Elle eut envie de lui faire des cadeaux, mais elle n'osa pas. Tourmentée par l'idée de la pauvreté de Julien, Madame de Rênal parla à son mari de lui faire un cadeau de linge. « Quelle duperie !» répondit-il. « Quoi ? Faire des cadeaux à un homme dont nous sommes parfaitement contents et qui nous sert bien ? Ce serait dans le cas où il se négligerait qu'il faudrait stimuler son zèle. » Madame de Rênal fut humiliée de cette manière de voir. Elle ne l'eut pas remarqué avant l'arrivée de Julien. Peu à peu, elle eut pitié de tout ce qui manquait à Julien, au lieu d'en être choquée. Madame de Rênal était une de ces femmes de province que l'on peut très bien prendre pour des sottes pendant les 15 premiers jours qu'on les voit. Elle n'avait aucune expérience de la vie et ne se souciait pas de parler. On l'eût remarqué pour le naturel et la vivacité d'esprit si elle eût reçu la moindre éducation, mais en sa qualité d'héritière, elle avait été élevée chez des religieuses adoratrices passionnées du Sacré-Cœur de Jésus. Madame de Rênal s'était trouvée assez de sens pour oublier bientôt, comme absurde, tout ce qu'elle avait appris au couvent, mais elle ne mit rien à la place et finit par ne rien savoir. Jusqu'à l'arrivée de Julien, elle n'avait réellement eu d'attention que pour ses enfants. Leurs petites maladies, leurs douleurs, leurs petites joies occupaient toute la sensibilité de cette âme qui, de la vie, n'avait adoré que Dieu quand elle était au Sacré-Cœur de Besançon. Sans qu'elle daignât le dire à personne, un accès de fièvre d'un de ses fils la mettait presque dans le même état que si l'enfant eût été mort. Un éclat de rire grossier, un haussement d'épaules, accompagné de quelques maximes triviales sur la folie des femmes, avait constamment accueilli les confidences de ce genre de chagrin que le besoin d'épanchement l'avait porté à faire à son mari dans les premières années de leur mariage. Son éducation fut faite par la douleur. Trop fière pour parler de ce genre de chagrin, même à son amie, Madame Derville, elle se figura que tous les hommes étaient comme son mari, M. Valneau et le sous-préfet Charcot de Maugiron. La grossièreté et la plus brutale insensibilité à tout ce qui n'était pas intérêt d'argent, de préséance ou de croix, la haine aveugle pour tout raisonnement qui les contrariait, lui parurent des choses naturelles à ce sexe, comme porter des bottes et un chapeau de feutre. De là le succès du petit paysan Julien. Elle trouva des jouissances douces et toutes brillantes du charme de la nouveauté dans la sympathie de cette âme noble et fière. Madame de Rênal lui eut bientôt pardonné son ignorance extrême qui était une grâce de plus et la rudesse de ses façons qu'elle parvint à corriger. La générosité, la noblesse d'âme, l'humanité lui semblèrent peu à peu n'exister que chez ce jeune abbé. Elle eut pour lui seul toute la sympathie et même l'admiration que ses vertus excitent chez les âmes bien nées. À Paris, la position de Julien envers Madame de Rênal eût été bien vite simplifiée, mais à Paris, l'amour est fils des romans. Le jeune précepteur et sa timide maîtresse auraient retrouvé dans 3 ou 4 romans et jusque dans les couplets du gymnase l'éclaircissement de leur position. Les romans leur auraient tracé le rôle à jouer, montré le modèle à imiter. Dans une petite ville de l'Aveyron ou des Pyrénées, le moindre incident eût été rendu décisif par le feu du climat. Sous nos cieux plus sombres, un jeune homme pauvre, et qui n'est qu'ambitieux parce que la délicatesse de son cœur lui fait un besoin de quelques-unes des jouissances que donne l'argent, voit tous les jours une femme de 30 ans, sincèrement sage, occupée de ses enfants, et qui ne prend nullement dans les romans des exemples de conduite. Tout va lentement, tout se fait peu à peu dans les provinces. Il y a plus de naturel. Souvent, en songeant à la pauvreté du jeune précepteur, Madame de Rênal était attendrie jusqu'aux larmes. Julien la surprit un jour pleurant tout à fait. « Eh, madame, vous serait-il arrivé quelque malheur ?»« Non, mon ami, lui répondit-elle. Appelez les enfants, allons nous promener. » Elle prit son bras et s'appuya d'une façon qui parut singulière à Julien. C'était pour la première fois qu'elle l'avait appelé « mon ami ». Vers la fin de la promenade, Julien remarqua qu'elle rougissait beaucoup. Elle ralentit le pas. « On vous aura raconté, dit-elle sans le regarder, que je suis l'unique héritière d'une tante fort riche. Mes fils font des progrès si étonnants que je voudrais vous prier d'accepter un petit présent comme marque de ma reconnaissance. Il ne s'agit que de quelques louis pour faire du linge. Mais, ajouta-t-elle en rougissant, il serait inutile, continua-t-elle en baissant la tête, de parler de ceci à mon mari. « Je suis petit, madame, mais je ne suis pas bas, » reprit Julien en s'arrêtant les yeux brillants de colère et se relevant de toute sa hauteur. « C'est à quoi vous n'avez pas assez réfléchi. Je serais moins qu'un valet si je me mettais dans le cas de cacher à monsieur de Rênal quoi que ce soit de relatif à mon argent. » Madame de Rênal était atterrée. L'amour pour madame de Rênal devint de plus en plus impossible dans le cœur orgueilleux de Julien. Quant à elle, elle le respecta, elle l'admira. Elle en avait été grondée. Sous prétexte de réparer l'humiliation involontaire qu'elle lui avait causée, elle se permit les soins les plus tendres. La nouveauté de ses manières fit pendant 8 jours le bonheur de madame de Rênal. Leur effet fut d'apaiser en partie la colère de Julien. Il était loin d'y avoir rien qui pût ressembler à un goût personnel. « Voilà, se disait-il, comme sont ces gens riches. Ils humilient et croient ensuite pouvoir tout réparer par quelques singeries. » Le cœur de Madame de Rênal était trop plein et encore trop innocent pour que, malgré ses résolutions à cet égard, elle ne racontât pas à son mari l'offre qu'elle avait faite à Julien et la façon dont elle avait été repoussée. « Comment, reprit Monsieur de Rênal vivement piqué, avez-vous pu tolérer un refus de la part d'un domestique ? » Madame de Rênal tomba sur une chaise, presque évanouie de douleur. « Il va humilier Julien, et par ma faute !» Elle eut horreur de son mari et se cacha la figure avec les mains. Elle se promit bien de ne jamais faire de confidence. Lorsqu'elle revit Julien, elle était toute tremblante. Sa poitrine était tellement contractée qu'elle ne put parvenir à prononcer la moindre parole. Dans son embarras, elle lui prit les mains qu'elle serra. « Eh bien, mon ami, lui dit-elle enfin, êtes-vous content de mon mari ?»« Comment ne le serais-je pas ? » reprit Julien avec un sourire amer. « Il m'a donné 100 francs. » Madame de Rênal le regarda comme incertaine. « Donnez-moi le bras, » dit-elle enfin avec un accent de courage que Julien ne lui avait jamais vu. Elle osa aller jusque chez le libraire de Verrières, malgré son affreuse réputation de libéralisme. Là, elle choisit pour 10 louis de livres qu'elle donna à ses fils. Loin de songer à deviner ce qui se passait dans le cœur de Madame de Rênal, il rêvait profondément aux moyens qu'il y aurait pour un jeune étudiant en théologie de se procurer quelques-uns de ses livres. Il osa hasarder, en parlant à M. de Rênal, la mention d'une action bien autrement pénible pour le noble maire. Il s'agissait de contribuer à la fortune d'un libéral en prenant un abonnement chez le libraire. Julien voyait M. le maire s'obstiner à ne pas aller plus loin. Il soupçonnait une raison secrète, mais ne pouvait la deviner. « Je pensais, monsieur, lui dit-il un jour, qu'il y aurait une haute inconvenance à ce que le nom d'un bon gentilhomme tel qu'un Rênal parût sur le sale registre du libraire. » Le front de M. de Rênal s'éclaircit. « Ce serait aussi une bien mauvaise note, continua Julien d'un ton plus humble, pour un pauvre étudiant en théologie, si l'on pouvait un jour découvrir que son nom a été sur le registre d'un libraire loueur de livres. Pour éviter tout sujet de triomphe au parti jacobin, dit le jeune précepteur, on pourrait faire prendre un abonnement chez le libraire par le dernier de vos gens. Voilà une idée qui n'est pas mal, dit M. de Rênal, évidemment fort joyeux. La vie de Julien se composait ainsi d'une suite de petites négociations. Et le succès l'occupait beaucoup, plus que les sentiments de préférence marqués qu'il n'eût tenu qu'à lui de lire dans le cœur de Madame de Rênal. La position morale, où il avait été toute sa vie, se renouvelait chez M. le maire de Verrières. Là, comme à la scierie de son père, il méprisait profondément les gens avec qui il vivait et en était haï. Il voyait chaque jour dans les récits faits par le sous-préfet, par M. Valneau, par les autres amis de la maison, à l'occasion de choses qui venaient de se passer sous leurs yeux, combien leurs idées ressemblaient peu à la réalité. La première fois que Mme Rênal essaya avec lui une conversation étrangère à l'éducation des enfants, il se mit à parler d'opérations chirurgicales. Elle pâlit et le pria de cesser. Julien ne savait rien au-delà. Ainsi, passant sa vie avec Madame de Rênal, le silence le plus singulier s'établissait entre eux dès qu'ils étaient seuls. Elle en était inquiète car son instinct de femme lui faisait comprendre que cet embarras n'était nullement tendre. Julien se sentait humilié, comme si ce silence eût été son tort particulier. Cette sensation était 100 fois plus pénible dans le tête-à-tête. Son imagination, remplie des notions les plus exagérées, les plus espagnoles, sur ce qu'un homme doit dire quand il est seul avec une femme, ne lui offrait dans son trouble que des idées inadmissibles. Son âme était dans les nues, et cependant il ne pouvait sortir du silence le plus humiliant. Madame de Rênal remarqua que, seul avec elle, il n'arrivait jamais à dire quelque chose de bien que lorsque, distrait par quelque événement imprévu, il ne songeait pas à bien tourner un compliment. Comme les amis de la maison ne la gâtaient pas en lui présentant des idées nouvelles et brillantes, elle jouissait avec délices des éclairs d'esprit de Julien. Depuis la chute de Napoléon, toute apparence de galanterie est sévèrement bannie des mœurs de la province. L'ennui redouble. Il ne reste d'autre plaisir que la lecture et l'agriculture. Madame de Rênal, riche héritière d'une tante dévote, mariée à 16 ans à un bon gentilhomme, n'avait de sa vie éprouvé ni vu rien qui ressemblât le moins du monde à l'amour. Ce n'était guère que son confesseur, le bon curé Chélan, qui lui avait parlé de l'amour, à propos des poursuites de M. Valneau, et lui en avait fait une image si dégoûtante que ce mot ne lui représentait que l'idée du libertinage le plus abject. Elle regardait comme une exception, ou même comme tout à fait hors de nature, l'amour tel qu'elle l'avait trouvé dans le très petit nombre de romans que le hasard avait mis sous ses yeux. Grâce à cette ignorance, Madame de Rênal, parfaitement heureuse, occupée sans cesse de Julien, était loin de se faire le plus petit reproche.